ngam neɗɗo be hoore maako o wawata koɗu men haa wolde ma wutata tona neɗɗo wolde ma wata mere nde torema ɓeyde ma si on de wolde tan wurtugo e maako wonɗu ɓe maako jogmude cungo maɗa ɓe inde ɗiɗɗo ma Issa Masihu ko ruuji kaɗum ɓumata ngam dartugo pat bawɗe man ɗumi ɗo sottina ɓeyde Masihu ko fuɗɗata haa timmode pat han wona haa kuugal fuɗɗode haa timmode pat wona haa kuugal ɗum an numoji amin wona haa maɗa numoji amin wona haa maɗa ruuji amin pat wona haa maɗa tomino masama yokkude jugo maɗa o wawata koɗu men faasi ɗemgal maɗa haa ɗemgal maa ngam haa wurtina wolna ɓikkoye maɗa ala mi hokkude jugo maɗa wonɗuɓe ma fuɗɗo wattimore ɓe inde ɓiɗo ma Issa Masihu mi toyma amina amen. Seigneur, nous recommandons ce petit appel éternel. Notre Dieu, tu as fait à ce nom, nous revenons encore devant toi. C'est une grâce éternelle de nous voir. Pendant ce jour, tu as fait le nom, tu as mangé devant le ciel. Voilà pourquoi nous avons éternel de faire la partie. L'éternel de même si le corps est fabriqué, mais là, tu es en train de nous. Nous avons tout à fait éternel de nous, sommes la dévote de nos Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà donc, nous nous remettons dans ce président éternel. Dernier Dieu, que tu nous conduis, tu nous dirige, garde-nous toujours, notre Dieu, afin que vraiment nos cœurs soient toujours ouverts à ta parole. Notre Dieu, vraiment, ouvre nos oreilles éternelles spirituelles, afin que nous écoutons donc vraiment cette grâce encore ce soir. Grand Dieu, nous te cédons la paix de place. Conduis nos dirigeants. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons fini. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ensemble. Et nous. Je vais vous aider, je vais t'aider à supporter. Sous

C'est ce dont on essuyait là-bas, hier, ici au milieu. Et comme ça a voulu bloquer ma respiration, je me suis aussi resté tamponné un peu. Et par la suite, maintenant, quand je priais, c'était en larmes. J'ai ressenti quelque chose est sorti de moi et je me suis ressenti maintenant libéré. Auparavant, elle ne dormait pas, mais cette nuit-ci là, elle a dormi jusqu'à ce que son mari lui a réveillé à partir de 8h. Applaudissons pour le Seigneur. Et mon mari était là, à la maison, il est venu chez les frères ici. Mmh. Et j'avais fait mon atron. Et quand je préparais cela au feu, je ressentais cela que j'avais besoin de l'eau. Mmh. Je suis allé me coucher. Quand je me suis couché comme ça, là, c'est encore le sommeil. Mmh. Je me suis senti. Amen. Applaudissements. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allah barkinou. Si vous avez des témoignages, venez. Ton nom est Sedam Kongara. Le temps qu'on attend d'autres personnes. Je crois qu'il y a même des jeunes enfants qui sont allés à l'école, ils sont rentrés là. Oui. Venez tous deux une fois. Venez tous deux. Ça. Oui, venez. Oui, voilà, que ça soit touche proche là, oui. Salut, Père de Dieu. Moi, je vais témoigner. Elle parle en riant directement. C'est celle qui avait dit que son ventre dit quoi là hein? Oui. J'étais assise là. C'est même depuis vendredi que les frères sont arrivés. Là, tu as des jumbar. Vous savez, dans notre famille, on est la famille qui produit beaucoup. Donc, nous sommes fégants. Et du coup, quand les amis comme là, tu me dis, riman jour, mais d'un coup. Lorsque j'ai accouché ma petite, la dernière là. Il y a quand même des ingles à me dire, tout à fait. Mais vous aussi, vous veulent manger, c'est vrai. Et ils donnent un wakati tourné, l'autre est ma cadine. C'était qui m'a conté parce que je n'ai pas mangé depuis le matin. Oh, nous, mais quand tu es mal, on y a mal d'accord. Fadira, on est ma cocotte. Je l'ai presque chaque vendredi. Et Fadira, fou, on y a mal. Mais ça ne me fait pas souvent. Voilà, Wargomoro. Je suis sorti pour aller dire au revoir. Mais j'ai invité une sœur là. Au bout, tu n'as assis en dire, on a mal. On a la bidoua d'une des. D'or, on m'a répété que je ne l'ai pas. Le mieux qu'elle rentre. Oui, dama. Picoro, où tu as arrêté. Quand je me tourne pour prendre le sac pour la donner. Y a que Mulorica de Amosa, Mosa Kadibora, Midilla, Dera. La femme qui tourne le dos là. Oui, de vos jeunes, ouais, tu vas. Oui, demain, on t'arrête. Je ne pouvais pas mentir. Ne me faut-il non trop. Oui. Et c'était ça. Bon, mm. C'était comme si les ventres, les veines là sont en train de, avec de bagarrer, je ne sais pas. Olar, t'as Olar, quand il va monter faire, on n'aura pas de rire du maco. Donc, j'aimerais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Je dis, monsieur, d'accord, de quoi là. Parce que je sentais mal au bavant. Gamunda, laisse-le dans mon nom. Faisait des gestes pourris là. Y a qui les dira, voilà, on déjà la roue, on déjà la boue, à moi, on déjà la boue, à kilo. Gamunda, wami. Bon, moi je pensais que depuis qu'elle est petite, j'ai le mal de bas ventre. Mais nous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Vous voyez, lorsqu'on on a de prier, il y a d'autres personnes, je sais que c'est peut-être pour ça, c'est une surprise. Mais vous allez vous habituer à l'Esprit de Dieu. Parce que vous êtes certainement dans les milieux où vous ne voyez pas cette chose se passer. C'est pour ça que hier j'ai dit que ouvrez vos yeux. Parce qu'une fois que tu fermes tes yeux, quelque chose te racle, tu dis que c'est quelqu'un qui t'a poussé. Maintenant, on est dans la prière. Et depuis, vous avez le désir de prier. On dit que c'est le moment de prier.

Amen. Donc, prenez en considération, oui, mon frère, viens. Prenez en considération ce que cette sœur dit, d'accord? Soutenez-vous les uns les autres. Oui, mon frère. Moi, je voulais aussi dire ceci, mais ça arrivait lorsqu'on priait. Quand on dit au roi, donc on ne consent d'un bien amant. C'est toi qui avais le gandoura de ce côté-ci, rien, rien. Oui, c'était ainsi. Voilà. Bon, lorsque le frère Junior avait annoncé la période pour les jeunes, il y a quand même des junior qui ont eu une carte d'envoi à Wakati Tornero. Il était sous traitement. Mais donc, nos cadres, Joe Inga, mais donc, vous allez qui m'ont allé qui non. Parce que depuis le 2, le ventre l'a fait mal. D'accord, il y a des lèvres d'où le cadre béré dans le Nawami. Je me suis demandé comment est-ce que je devais arrêter le traitement. Mais j'aime tout le voir, en cas de nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ina jungu haunde na wata hapele na wata mo de par la je voulais pas mettre et arno mantan kadim ida no joina donc elle dit de mettre pendant longtemps ya ken wi kadi jun jungu ma de redoma mi ma ngi si jun jungu de redom et ma wono somla ju de ri je ne plus de plus avec le traitement et ya ken gon jotto kam mun de man timya ma ho ayle ki fa après son pour le seigneur. Amen. Sois béni mon frère. Des témoignages. C'est d'un coup. Viens, mon cher, viens. Bon, pour moi, c'est. Je suis dérangé dans mon cœur. Je m'en coupe car au Romari Sacler de Bernamaco. Bon, j'ai acheté un appareil Android. Au sort, il y a des téléphones qui ont Android en Gatalan. Bon, un jeune est venu vers moi, il m'a dit qu'il a fait l'accident avec la moto. Et dès que je fais voir, il y a un cas de dos et de moto, non? Bon, il m'a montré sa plaie. Il y a un cas de naonere ma kanbo, ou durama. Bon, il a dit qu'il a son appareil, peut-être que je vais acheter ça. Oui, il a dit que le téléphone m'a quand même à Sodan, non? Bon, il a fait sortir son appareil, là, c'est l'afficheur et le. L'afficheur et le tactile et c'est. Oui. Ya kando urtin telephone man kadi o tawi kadi ha yeso mando ha daral mando ka darugal man pussi. Donc je lui ai dit qu'il faut qu'on parte chez un col boxeur comme ça pour aller chercher. Oui mon kadi inja ha pele kadi be lartar man lartato do wona huwata. Donc on a testé l'appareil. In dari dum. Bon je lui ai dit bon comme c'est ton appareil là montre-moi comment on peut faire mettre la puce. Au week-end, nous l'avons dit, mais quand on l'a banni, on a été attaqué physiquement. Donc, lui-même, il ne savait pas. Quand que vous andez. Donc, l'esprit me parlait que l'appareil peut-être il a volé ça. Et où donc lui a mis le téléphone? Téléphone au cas de où on a nous dit. Bon, il m'a convaincu en disant que bon, il a fait l'accident. Bon, il m'a montré la plaie. La plaie, c'était grave. Au bout du jour, comme c'est d'accord, au lieu d'amour durer, mais que je dois y manquer. Donc, j'ai acheté. Je lui ai dit que bon, cet appareil-là, je ne peux pas acheter ça. Et avec un grand prix de l'argent. Au week-end, au soir, tu as qu'à demander les cas de bêtises de l'ungo. Bon, il m'a dit que je lui donne 2000. Oui, au Cambodge. Comme j'avais soif de cet appareil. Des millions, nous marie hâte. Tu avais soif de l'appareil. L'appareil. On a soif de l'eau. Tu as soif de l'appareil Android. Nous marie donc qu'à des diam, un car marie donc qu'à des téléphones. Donc j'ai acheté ça, ça est là avec moi. Au soir, nous marie donc ben ma couille t'as fait. Depuis ces jours-là, je n'avais pas la paix dans mon cœur. Et d'agayan ne manque pas de salaman waran de nous marie. Même hier, quand on parlait là, j'avais guère dans mon cœur là. Il y a que drôle qui a marqué de hunda no ha hon konu man under berne ma. La voix me parlait que n'est-ce pas tu as demandé pardon sur ça. Et Hunde Ruyam Kadina n'a tout vidéo maintenant. Et l'autre voix me dit que bon, il faut parler sur ça. Et Hunde Ferruyam Bowolu Doman. Donc je me suis maîtrisé là seulement. C'est comme si j'ai fait l'hypocrisie. Mbanamwa dit ça à Talberne. Bon, les deux. Il est bon. Et ma femme. Des bombes. Je l'ai permis de faire la planning. Mais ok, là on a de bonnes cadeaux. Le planning familial. Le planning familial. Ok, aux femmes on a cadeau. Aïno gohore ma kohala dans le bico. Donc nous formons à l'hôpital. Si quelqu'un veut se reposer un peu, faut qu'il fait. Dans mes jangina me rappelle ha l'hôpital cadeau. Tu connais ici où tu as cette dame dans le cadeau. Dans on voit. Donc je l'ai permis de prendre c'est en comprimé. Mais ok, comment là on cadeau gamo moda le cadeau du man l'équipement. Et déjà l'esprit me dit encore que c'est non, ce n'est pas bon. Et Hunde Ruyam t'a dit que le planning familial n'est pas bon, ce que vous faites n'est pas bon, n'est-ce pas? Je crois qu'il va falloir qu'on parle parce qu'il entend toujours le planning familial depuis ici là. On parle de ça tout à l'heure. Donc ces choses-là vraiment